se réveiller à l'aurore parce que la joie est trop forte. Regarder par le hublot comme l'eau est verte. Monter sur le pont, le temps est gris, enveloppé de fourrure duveteuse. Écouter le bruit de la machine et ne penser à rien. Mais, sachant que je vais revoir celui qui est devenu mon étoile, me retrouver dans la brise et les embruns, à chaque instant plus jeune.